Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Perderte después. Bésame. kérosène fait frémir l'intérieur de tes artères. Et si tu serres les fesses, c'est le curé qui convainc. Pas de temps à perdre, tu t'en t'as pas le temps. Concentration maximum. Pédale collée au plancher, rien ne peut t'arrêter. L'on y fait une embardée. Putain de bonne planète, tu vas t'écraser. Les hommes en bleu hurlent et condamnent. Lâche ton arme. Les hommes en blanc s'occupent de mon âme. Pour moi c'est mort, tout mon corps saigne. Ce soir ce sera ma dernière livraison. Non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Never wanna live. X-A-S and the O's, they haunt me like ghosts.

Jacques. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika, vous le savez, tous les vendredis à partir de 19h, on est ensemble pour 3h, et on a déjà écouté un petit peu de musique, on a le temps de s'installer, voilà. Vous le savez, le vendredi soir, on aime bien recevoir des artistes dans les studios Radio Arc-en-Ciel, et c'est ce qu'on fait depuis déjà bientôt 14 ans, et si on remonte un petit peu le temps, jusqu'au 2 février, nous avions reçu les Tranches à Calais Express, le 9 février, Twangy and Tom Trio, le 16 février, nous avions reçu Will... Guy. La semaine suivante, c'était Elixir, The Uncle Biker, Doreen Lowe, Drive to Amnesia. Et la semaine dernière, nous recevions ici, pour la première fois, le groupe Sonic Lag, avec lequel on a passé un très bon moment. La semaine prochaine, nous recevrons le groupe Dérapade, avec lequel nous avons commencé cette émission. Donc, on a écouté un premier morceau de Dérapade, qui s'appelle Transporteur. Juste après, on a écouté Sonic Lag, justement, le groupe de la semaine dernière, avec The Color of the Sky. À l'instant, on vient d'écouter deux cœur à cœur, c'était notre amie Elsia qui viendra très prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et juste avant, c'était Melody Road avec X's and O's, une superbe reprise. Et on parlera tout à l'heure un petit peu de Melody Road, justement, parce que nous avons un groupe ce soir et je vais le garder pour la fin. Hein, on va faire comme d'habitude. La semaine prochaine, donc, il n'y aura pas d'émission. Il n'y aura pas d'émission la semaine suivante non plus. Pourquoi ? Parce que je prends un petit peu de vacances et je ne serai pas dans la région. Donc, reprendra le 19 avril avec le groupe Dérapade, donc ça sera le prochain groupe qui viendra dans le studio. Le 26 avril, ça sera Jache avec le retour de Jache, hein. Ils sont déjà venus à deux reprises dans une émission de Mavrika. Ils ont déjà participé aussi à un Mavrika Live et depuis un petit moment, on était un petit peu en stand-by et là, ils reviennent dans nos studios donc pour nous présenter la suite de leurs aventures. Le vendredi 3 mai, ça sera Alex Lebaye qui reviendra dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 17 mai, ça sera le groupe La Jarry. Et le 24 mai, ça sera BRS Band. Voilà. Je vous ai annoncé un peu tous les artistes qui vont venir. Alors, tous ceux qui sont déjà officiels. Il y en a d'autres qui sont en attente de réponse. Ça va se faire. On a un petit peu d'avance quand même. Alors, dans l'émission Mavrika, on reçoit régulièrement des invités. Alors, ce soir, c'est l'édition numéro 589. Donc, 589 émissions déjà de Mavrika depuis 2010. Et ce soir, nous recevons un groupe. C'est une découverte pour moi et j'espère que ça sera une agréable découverte aussi pour vous. Il s'agit du groupe Chapardville. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. On est ensemble jusqu'à 22h. Et puis n'hésitez pas à nous mettre des petits messages sur le Facebook de l'émission Mavrika parce que en direct, je vous mets le programme de l'émission avec tous les morceaux qu'on diffuse dans sur les ondes. Voilà. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, donc 96.2 MHz et sur le www.radio-arc-en-ciel.fr. Take it, I do it right now. And if you insist, I do it right now. Though I told every hour. Ça, c'est la petite musique pour vous dire qu'on va dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce qu'on aime bien faire de la radio en direct dans l'émission Mavrika. Et ce soir, nous avons des invités ici dans nos studios à Fleury-les-Aubrais, à 5 minutes du centre d'Orléans. Nous recevons le groupe Chapartville. Bonsoir. Bonsoir. Bon, voilà, on va régler les micros en même temps, hein, on va tout faire à l'arrache, comme on a l'habitude de le faire. Forcément, c'est toujours quand on prend l'antenne qu'il y a un coup de téléphone, donc ce qu'on va faire, on va, ou alors c'était juste pour nous faire un petit coucou, c'est peut-être un auditeur qui fidèle qui nous fait juste un petit coucou. Donc, ce soir, nous recevons le groupe Chapartville, ils sont au nombre de 3, le groupe est au complet dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et on va découvrir le groupe. C'est un groupe, alors là, pour l'instant, pour moi, ça sera une découverte, on va découvrir ensemble en même temps que les auditeurs. Et comment se fait-il que le groupe soit ici ce soir, puisque je les ai pas encore vus encore en concert, et c'est la première fois que je les rencontre, à part un membre, c'est le guitariste, c'est Olivier. Alors Olivier, tout à l'heure on a écouté un morceau de Melody Road, et justement Melody Road, c'est grâce à ce groupe là qu'on s'est rencontrés, puisque tu as participé au Mavrika Live numéro 12, c'était le 10 juin 2023. C'est ça. Et tu étais le guitariste de Melody Road pour cette occasion. Oui, c'est ça. Très bien. J'avais déjà joué avec eux pendant un an ou deux avant. Mm-hmm. Et puis, la vie a fait que j'ai changé de groupe. Mais très bien. Ils m'ont demandé de remplacer leur guitariste pour un concert. Ouais, pour un concert, pour l'événement, donc. Très bien. Et puis tu m'as dit, voilà, moi j'ai un autre groupe aussi, il s'appelle Chapartville. C'est comme ça que ça se prononce? C'est ça, oui. Voilà. On aimerait bien aussi participer à un événement. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas venir justement présenter aussi le groupe à la radio, hein, parce que toutes les semaines, on reçoit des artistes de la région orléanaise et d'ailleurs, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le groupe est d'Orléans ou de quel coin, hein? De quel coin? Alors, on est plutôt, eux sont du Loiret. Moi, d'accord. Je suis du sud de l'Essonne. D'accord. Et Nathalie. Direction de l'Orcy. Moi, je suis de Nibelle. Ouais. Ouais. Très bien. Donc, voilà. Bon. De toute façon, il n'y a pas de frontière. Hein. Ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. Hein. S'ils veulent venir d'Australie ou d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Entre l'Essonne et le Loiret, mais ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Et c'est vrai qu'on a pas mal de groupes qui viennent de la région parisienne dans l'émission Mavrika, et c'est toujours pour notre plus grand plaisir. Ouais. Donc voilà, c'est pas si loin que ça. Et puis on a des bonnes routes en France, donc on peut en profiter. Et puis si jamais des groupes veulent venir de l'étranger, hein, ça c'est déjà fait, ils peuvent venir. Hein. Il suffit de prendre contact et il n'y a pas de souci. C'est vrai que la plupart du temps, c'est des groupes de la région orléanaise, la région parisienne qui est pas loin. On a quand même de la chance aussi d'avoir Blois, Tours, Bourges, Gien, pas mal de petites villes autour. Et de temps en temps, on a aussi des gens qui viennent de plus loin, des gens de Biarritz, de Brest, même carrément de Belgique. Hein. Donc ça nous fait plaisir de recevoir des artistes. Des fois, ils sont en concert dans la région et ils profitent justement de leur passage pour faire une petite émission avec nous, pour découvrir les groupes, parce qu'il y a d'excellents groupes qu'on ne connaît pas forcément, qui ne passent pas dans toutes les radios, mais Radio Arc-en-Ciel et l'émission Mavrika est là pour ça. Okay. Voilà. Donc, merci à vous en tout cas. Bah, c'est un plaisir aussi. Hein. Voilà, c'est partagé, hein, parce que dans l'émission Mavrika, au début quand j'ai commencé l'émission, il y a bientôt 14 ans, au début j'ai commencé à diffuser des morceaux et je me suis intéressé au groupe de la région et je me suis rendu compte qu'il y avait de très bons musiciens. On a la chance d'avoir de très bons musiciens et en plus je me suis dit bon, il va en avoir quelques-uns, on va vite faire le tour. Puis après 14 ans, bah il y a toujours des gens que je découvre et puis toujours avec beaucoup de plaisir. Et le but de l'émission, c'est justement de le faire découvrir aussi aux autres personnes qui nous écoutent. Comme ça, si un jour vous faites un petit concert dans le coin, bah, ils iront vous voir avec plaisir. Ok. Voilà. Très bien. Donc, le groupe, il existe depuis combien de temps? 2018. 2018. Ouais. 6 ans. Ah oui, 6 ans. Ça passe vite, le temps. Donc, comment vous êtes rencontrés? Par les petites annonces. Par les petites annonces. Ah bah, ça marche hein, aussi. Hein. Oui, ça marche aussi. Oui, sur le CDIC. Hein, on était déjà... Voilà, Nathalie et moi, on jouait déjà dans un autre groupe. Et puis après, on s'est séparés. Puis après, voilà, on s'est remis ensemble. Il nous manquait un guitariste. Oui, un guitariste. Pour la petite annonce. Vous en avez essayé beaucoup avant? On a essayé quelques-uns, ouais. Quelques-uns guitaristes. Puis on l'a gardé. Puis ça fait 6 ans maintenant. Au bout de 6 ans, on commence à se comprendre un petit peu. Voilà, il a été adopté, puis maintenant il fait partie donc du groupe. Il vous a plu, voilà. Très bien. Ah, il vous plaît aussi. Ah ouais, voilà. Oui, c'est un échange. Il faut vraiment que, qu'il y ait une bonne entente dans un groupe. Hein. Ouais. On l'a toujours vu. Ouais. Moi, des fois, je ressens des choses, des fois, dans l'émission. C'est que des fois, je vois des groupes où je vois bien qu'il y a que la musique, il n'y a rien d'autre entre eux. Mm-hmm. Et quelques temps après, j'apprends qu'ils se sont séparés parce que il faut avoir aussi des bons rapports humains entre les gens. Et quand on s'entend bien, ça passe toujours très bien. Et quand on voit qu'il y a juste la musique et puis derrière, l'entente n'est pas toujours très bonne, ça dure pas très longtemps. Hein. Oui, voilà. c'est vrai. Très bien. Alors, le groupe Chaparville, il existe depuis déjà bientôt 6 ans. Vous êtes rencontrés jusque avec les petites annonces, c'est comme ça? Oui, ils cherchaient un guitariste. Moi, j'ai répondu. Ouais. Parce que moi, je cherchais à... je voulais varier un petit peu mon univers et puis chercher mon bonheur musical, quoi, que je cherche depuis 40 ans au moins. Depuis que tu es né, alors, c'est ça. Un peu moins. Très bien. Donc voilà. Parce qu'il y a des gens qui ils commencent tout de suite à calculer, mais bon. Donc tu as commencé très jeune, c'est ça. Oui, bébé. Très bien. Donc ça a toujours été la guitare. Ouais, pas tout à fait. J'ai commencé plutôt par la batterie et la percu. Mmh, d'accord. Mais mes parents m'interdisaient de répéter la batterie à la maison, ça faisait trop de bruit. Effectivement, la batterie, c'est ça un peu le souci, c'est que ça fait du bruit, quoi. C'est ça. Alors que les autres instruments, la plupart du temps, quand ils sont amplifiés, on peut même se contenter d'un casque et puis ça fonctionne. La batterie, c'est plus compliqué. Maintenant, il y a des batteries électroniques aussi, mais bon. Très bien. Donc, guitariste du groupe, Olivier. Donc, on va passer au deuxième, le batteur percussionniste, c'est ça? Ouais, batteur, ouais. Je joue de la batterie depuis ça fait des années maintenant. Mm-hmm. Et j'ai eu une coupure de pratiquement 30 ans de batterie. D'accord. Je ne jouais pas du tout. Et puis vers la fin, j'ai repris quand je suis revenu dans le Loiret, parce qu'avant j'habitais vers la cinquantaine. Ouais. J'ai repris un peu la batterie, puis voilà. C'est le vrai début, quoi. Ouais. D'accord. Petit débutant. Et j'ai enchaîné après avec des groupes, et puis voilà. Et puis je jouais dans un groupe de blues, et puis je cherchais une chanteuse. Et c'est là que j'ai rencontré Nathalie. Oui, c'est moi. On arrivait le même jour, je crois, dans ce groupe-là. Ouais. C'était. Et puis après, voilà. Bah après, on s'est séparés encore. Il y a eu une coupure. Ouais, pas du groupe. Ouais, du coup, précédent. Puis elle avait formé un groupe avec un autre guitariste, puis cherchait un batteur, puis voilà. Puis c'est ça. Voilà. Très bien. Voilà. Après, c'est pareil, moi, depuis que je fais cette émission-là, il y a plein de musiciens comme ça qui faisaient partie d'une formation. Ouais. Le groupe s'est séparé, on les retrouve dans une autre formation, et ainsi de suite. Donc, quand on est musicien, je crois que c'est dans l'âme. Et la coupure que tu as eue pendant un certain temps, je pense que... t'as eu sûrement dans ta vie autre chose à faire, à t'occuper, etc. Parce que bon, forcément, tous les musiciens ne vivent pas que de la musique. Donc après, il y a d'autres priorités. Et puis un jour, il y a quand même la passion qui revient. Et puis tu es revenu à la batterie et puis la musique, ouais, etc. C'est vraiment un concours de circonstances parce que je faisais partie d'un comité des fêtes. Et à la fin du comité des fêtes, on était en boire un coup. Puis je disais, dans la discussion, je disais, j'ai joué de la batterie. Et puis, comme par hasard, il y a 2 jours après, il y a un monsieur qui m'a abordé pour me dire, c'est vrai que tu joues de la batterie, puis voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai enchaîné, puis voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté. Très bien, il faut pas arrêter, hein, voilà. Très bien, donc, la troisième personne, c'est Nathalie, donc, qui est la bassiste du groupe. C'est ça. Ça a toujours été la basse. Tout début guitare, en fait, j'ai joué de la guitare. Oui, j'ai joué avec mon grand frère au départ, qui s'était acheté une guitare. Et notre père jouait un peu quand il était jeune aussi, donc il nous a transmis les basses, quoi. Mmh. Et puis après, forcément, quand on joue à plusieurs, on veut faire un groupe. Et, donc j'ai pris la place de la basse assez rapidement, ado, quoi. Et puis plusieurs formations plus tard, une pause aussi, une pause. On pose plutôt pour la famille, les enfants, tout ça. Et puis, cette envie de refaire de la musique qui démange quand même, quoi. Il y a un moment où même si on met ça de côté, on a toujours envie de jouer, je pense. Très bien. Je savais pas que ton père était musicien. C'est vrai, il jouait de la guitare. Il avait une belle guitare acoustique jazz. Ouais. Très bien. Et justement, dans un groupe, ce qu'on disait, c'est que des guitaristes, on en trouve assez. Il y en a pas mal. Oui. Des bassistes et des batteurs, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, j'en profite pour relancer des petites annonces. Le groupe Burgundy qui cherche un batteur et le groupe Elixir qui cherche un bassiste. Donc, voilà. Allez pas vous faire des infidélités. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de formations qui se partagent. Il y a par exemple un batteur ou un bassiste qui fait partie de plusieurs formations parce que. Oui, voilà. Très bien. C'est quoi votre style de musique? C'est. Nous, on est un groupe de reprise. De reprise, on ouais. On prend de la musique de. Des années 70. Des années 70 à plus moderne aussi. Oui, jusqu'à. Jusqu'à des groupes comme Muse, ouais. Fighters, des choses comme, ouais. Comme on essaie de balayer. Ouais, du petit groupe, hein, du petit groupe. les Muse, ou Fighters, et, bon, le jour où ils viendront dans l'émission, on va les accueillir avec beaucoup de plaisir. Vous avez Led Zeppelin aussi. Led Zeppelin, c'est pas con. Hendrix. Très bien. Ouais, des standards. Je sais pas s'il viendra. J'ai du mal à le voir. Donc des standards de la musique, bon c'est rock en général quoi, on peut dire comme rock, blues, folk, ouais. Etc. Très bien, et les morceaux que vous interprétez, vous les choisissez comment? On se fait plaisir. Chacun amène des idées de reprises qu'il a envie de faire, et puis on en discute au comité central, on se décide. C'est vrai qu'on a, des fois... Maintenant, on a un peu plus de bouteilles. On a mis de côté les morceaux les plus connus, des fois des morceaux, des groupes les plus connus. Et on se fait plutôt plaisir à prendre les morceaux. Ouais. Pour moi, Nathalie, qui est chanteuse aussi, Nathalie. Mm-hmm. C'est une source d'inspiration au niveau de la musique. Elle a beaucoup plus de... Un gros panel de choix, plus que moi. Mm-hmm. Donc ça m'intéresse. Et ça vient un peu de là, le nom du groupe, hein, Chapardeville, c'est ça? C'est nos trois noms, condensés en d'accord. Un seul, en fait. Ah ouais, d'accord. Mais il y a le côté Chapard. Voilà, c'est pour ça que... On prend la musique, quoi. Vous empruntez la musique des autres artistes pour la réinterpréter à votre manière. Ouais. Alors, vous essayez d'imiter au maximum la version originale ou vous accaparez le morceau et vous l'interprétez à votre sauce? On interprète. Oui. Après, il y a des morceaux vraiment. Des fois, on n'est pas capable de faire comme l'original. Des fois, on fait mieux. Il y a des morceaux, on ne peut pas trop dévier. Oui, c'est ça. C'est tellement. Et puis, on est trois. On prend des morceaux comme un groupe des Allman Brothers, par contre, qui sont, je ne sais pas combien, moins 12 là-dedans. Nous, on fait ça à trois. Donc, forcément. D'accord. Donc, forcément, oui. On est obligé de ne pas pouvoir tout faire. Oui. Donc vous retravaillez les morceaux de manière justement à ce que ça colle le mieux possible et que ça dénature pas le morceau, voilà. Mais sachant que vous êtes que trois sur scène et voilà, faut que ce soit audible à trois, voilà, que ce soit cohérent. Très bien. On prend un morceau des Doors, par exemple, on n'a pas de piano. Pianiste. Vous servez aussi de samples ou des choses comme ça ou c'est tout fait en direct? Alors moi je triche un petit peu. Oui, on triche un peu avec le matériel. Moi, des fois, je fais deux guitares en même temps, avec une petite pédale qui fait des boucles, qui est capable de reprendre le tempo du batteur, même si le batteur modifie légèrement son tempo, ce qui est très rare, mais ça peut arriver. Normalement, la pédale, quand elle marche bien, suit le tempo du groupe. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis, Nathalie, tu as une boîte pour faire des chœurs aussi. Oui, c'est vrai. D'accord. J'aurais zappé ce détail, mais c'est vrai. Oui, parce que j'ai pas de choriste dans le trio volontaire. Donc, système 2. Comme je suis pas choriste, vraiment. C'est pas mon truc. On va peut-être s'y mettre. C'est comme tout, ça se travaille. Ah oui, il y a des groupes où, moi, je vois, par exemple, j'ai reçu il y a pas très longtemps Elixir, justement, le groupe. Et eux, ils chantent aussi, ils accompagnent le groupe. Donc, ils sont musiciens et en même temps, ils font les chœurs, quoi. Ouais. Et puis d'autres, bon, il y en a qui sont plus doués que d'autres, hein. Donc, il y en a certains qui font des chœurs et d'autres qui n'en font pas. Parce que, bon, après, c'est pas à la portée de tout le monde, hein. Ils sont avant tout batteurs ou bassistes et c'est pas toujours évident de faire deux choses en même temps. Mais il y a des groupes comme ça où les chœurs sont faits par les musiciens. Ouais. Très bien. Donc là, vous, pour l'instant, c'est une boîte. Comment ça se passe? C'est une boîte où il y a des chœurs enregistrés ou alors? Non, c'est... en fait, c'est en direct. C'est en fait, je peux choisir de l'enclencher. Et donc, je choisis pour ceux qui connaissent un peu les harmonies, une quinte, une tierce ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est moi qui le déclenche. Par contre, c'est pas... Enfin, c'est pas enregistré, c'est vraiment en fonction de ce que je chante. D'accord. Au moment où je chante. Oui, c'est-à-dire que ça change un petit peu la tonalité, quoi. Ça harmonise. Voilà, ça harmonise. C'est comme si j'avais d'un seul coup des doubles. Très bien. Donc voilà, c'est avec la technique, on fait plein de bonnes choses aussi. Et bon, dans la technique, tout n'est pas bon, mais quand il y a des bonnes choses, bah, il faut savoir s'en servir. Très bien. Alors, depuis tout à l'heure, on a découvert un petit peu votre groupe. Alors, vous n'avez pas d'enregistrement. Vous êtes un groupe de live, groupe de scène. Vous produisez régulièrement. On n'a pas fait le pas du studio encore. Enfin, on a essayé avec un petit studio amateur, mais le résultat n'était pas fantastique. Quoi. Au niveau du son, on n'est pas des pros du studio. Ça commence à faire longtemps aussi. Puis ça fait longtemps. Ouais. C'était à nos débuts. On a fait un petit essai en multipiste. Il faudrait qu'on fasse un petit peu. Ouais. Mais là, on n'a pas eu le temps de se préparer. Très bien. Et comment ça se passe, les répétitions? Vous répétez souvent ou vous retrouvez ou vous faites ça à distance? Comment ça se passe? La plupart du temps, tous les 15 jours, on répète. Mm-hmm. Et on choisit les morceaux qu'on doit répéter. Et on met ça en place, c'est surtout le dimanche. Ouais. On met ça en boucle pendant 3 heures, et puis voilà. D'accord. On répète pas trop souvent parce qu'ils habitent trop loin de chez moi. Bah oui, c'est ça. Ouais. Après, chacun travaille de son côté, mais une fois de temps en temps, vous retrouvez quand même pour accorder un peu tous les instruments et tout ça. Quoi. Quand on n'a pas trop de concerts, on a le temps de répéter. Et après, les répétitions, vous enregistrez pendant la répétition pour écouter, pour voir si ça colle bien. C'est indispensable de se réécouter. Ouais. Mmh. Ça, c'est important aussi. Ouais. Très bien, on commence à vous connaître un petit peu mieux. Alors, il va y avoir des morceaux en live dans l'émission Mavrika. Alors là, ce qu'on va faire, une petite pause, on va écouter d'autres artistes, puisque dans l'émission Mavrika, à chaque fois qu'il y a des artistes, ils nous laissent aussi des morceaux, et on les diffuse avec beaucoup de plaisir dès qu'on en a la possibilité. Alors, ce soir, vous auriez pu apporter aussi, pour la prochaine fois, c'est la première fois que vous venez dans les studios Radio Arc-en-Ciel, donc maintenant vous faites partie de la Mavrika Family. La prochaine fois, si vous voulez, vous pouvez aussi amener une clé USB ou des CD, ce que vous voulez, avec des morceaux d'autres personnes ou alors des gens que vous connaissez ou des gens qui vous ont inspiré, tout simplement. D'accord. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va écouter pas mal d'artistes de la région orléanaise la plupart du temps. Il y a quelques temps, on a reçu ici le groupe Drive to Amnesia. Je sais pas si vous connaissez. Non. Après, on va parler aussi des groupes que vous connaissez, parce que vous êtes musicien, vous connaissez forcément d'autres personnes dont vous voulez en parler. Le groupe Drive to Amnesia était venu ici il y a 15 jours, et le podcast, on l'avait pas encore. Donc, je l'ai récupéré ce soir, on va pouvoir le mettre en ligne. Et je vous propose qu'on écoute le morceau Eye to Eyes, et on se retrouve juste après avec le groupe Chaparville. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. sleep too long. Shadows turn on a phone call drops. Time exposure, hold down. Iron curtain, a rich shadow on the ground. No talk about it, let's know. Let's go. Après une petite série musicale, nous avons écouté plusieurs artistes à la suite. On vient d'écouter à l'instant le groupe Chili Dogs avec Let's Go to Moscow. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment d'y aller. Et juste avant, c'était Drive to Amnesia avec Eye to Eye. Nous sommes ce soir dans l'émission numéro 589 avec le groupe, un groupe en direct live dans les studios Radio Arc-en-Ciel qui a interprété des morceaux. Il s'agit du groupe Chaparville et on les retrouve tout de suite pour continuer à découvrir leur univers. Voilà, tout se passe bien. Ouais. Je vois que vous êtes pressé de jouer, vous avez déjà les instruments et tout ça. Ça nous fait plaisir en tout cas de vous recevoir. Alors on va rappeler que vous êtes un groupe de reprise, donc vous reprenez des standards du rock depuis les années 70 jusqu'à pratiquement aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui, hein, les meilleurs groupes. Hein. Vous faites pas de rap pour l'instant. Non. Donc, ouais. On sait jamais, hein. Après il peut y avoir aussi de bonnes choses dans ce style-là. Hein. Mais en tout cas c'est pas ce que vous reprenez vous. C'est plutôt on a cité tout à l'heure des groupes. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est culturel aussi. Hein. C'est avec les gens avec lesquels on est. On va à des concerts, on découvre tel artiste et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on cultive. Et quand on n'a pas la culture d'un style musical, c'est pas toujours évident de le découvrir soi-même. Donc, c'est bien aussi c'est par rapport aux gens avec lesquels on est. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, dans l'émission Marika. Et après, ça dépend aussi de l'âge des gens, quoi. Il y a des générations. C'est vrai que quand on va au concert de rock aujourd'hui, eh ben on voit qu'il y a c'est quand même une moyenne d'âge de plus en plus élevée, hein, avec les années qui passent. Par contre, on a toujours du plaisir à avoir des jeunes qui s'intéressent à la bonne musique aussi, donc le rock and roll, etc. Très bien. On a parlé tout à l'heure de groupes, donc c'est la première fois que vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et vous connaissez vous aussi d'autres groupes de la région, des gens avec lesquels vous avez partagé des scènes, que vous avez envie de citer? Bah, Melody Road déjà. Ouais, on a déjà fait un concert ensemble, c'est vrai, avec à Orléans au Dropkick. Ouais, on a fait le Dropkick. Ah, le Dropkick, oui. Ouais, ouais. Très bien. Vous avez Charlotte. Et moi, je joue dans un autre groupe, oui, en tant que batteur. Et le groupe est, pour le moment, on se cherche un peu, parce qu'il y a le guitariste qui nous a quittés au mois de juin. Encore un guitariste. Oui, un guitariste. Il est encore vivant. Alors, c'est une formation où on est cinq musiciens. Ouais. Il est encore vivant, tu dis, vous a quitté. Oui, oui. Et puis, en nous, c'est, l'autre groupe, c'est plutôt de la pop. D'accord. Ouais. Mm-hmm. Comment il s'appelle? La chanson française. Ouais. Il s'appelle comment ce groupe? Alors, le nom du groupe, les bizarres, c'est Où est Charlotte? Oui, Charlotte. C'est parce qu'il y a une, il y a une histoire derrière, c'est pour ça. Mmh. Et le groupe, il est de Chalette-sur-Loing. D'accord. Et puis voilà. Où est Charlotte? Voilà. Chalette-sur-Loing, sûrement. Ouais, peut-être. Très bien. D'autres groupes encore, des gens que vous avez eu la chance de rencontrer, que vous avez envie de citer? Non. Bon, c'était pas prévu en même temps, ouais, je joue comme ça. Ah, si, j'ai mon voisin qui est un bassiste professionnel qui joue avec des grands musiciens. Mais lui, c'est un autre niveau. Voilà. D'accord. Mais... Il joue avec Fred Chapelier, par exemple. Ah oui. René Lebar. Mm-hmm. Il s'appelle Christophe Garros, c'est un bassiste. Très bien, bah, c'est bien de citer aussi ces gens-là, parce que un petit bonjour à lui. Nous, dans l'émission Mavrika, on ne fait pas de différence. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des amateurs, il y en a certains, on va partir du plus bas, c'est des gens qui jouent et qui font un ou deux concerts par an, des fois. Il y en a d'autres qui tournent un peu plus régulièrement, il y en a qui sont semi-professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont monté une petite association, ils arrivent à gagner un peu d'argent pour pouvoir faire vivre leur projet. Et puis après, il y a aussi carrément des professionnels qui viennent dans l'émission Mavrika, ce qui est un plaisir. Donc, nous on regarde pas au niveau professionnel, ça veut dire on gagne de l'argent, on ne gagne pas d'argent finalement. Mais il y a des amateurs qui ont autant de talent que certains professionnels. Ouais, donc voilà, ce qu'on regarde, c'est la qualité des morceaux. Et puis on reçoit des gens qui ont un projet. Et qui ont envie de le défendre, et c'est ça le but de l'émission Mavrika. Très bien, donc on a découvert d'autres artistes. Vous allez souvent à des concerts, d'autres artistes aussi, non? Moins souvent maintenant, c'est vrai, que j'habite à la campagne. Ouais, c'est dur de me sortir de mon trou maintenant. C'est vrai que maintenant, les grands concerts, ça ne nous intéresse plus. Enfin, moi, perso, ça ne m'intéresse plus. Moi, je faisais des concerts, j'allais voir des concerts où il y avait 30 000, 40 000 personnes, mais maintenant, ça n'intéresse plus. S'il y a des concerts dans les petites salles, c'est plus intéressant maintenant que... Ouais. Parce que d'accord. C'est... On a découvert un duo très sympa. Ouais. Qu'on a fait la salle à Saint-Patrick. Ouais. Ouais. On a partagé. C'est vrai qu'on a partagé la soirée. Comment il s'appelle? C'est Storyboard. Storyboard. Ouais. Storyboard. Très bien. Donc... Voilà, c'est une bonne chanteuse et un bon guitariste. Ouais. Ouais, il y a apparemment une formation des fois aussi... avec une basse batterie, mais c'est vrai qu'on les a découverts. Et puis il y avait ce duo aussi, le petit groupe. Petit groupe, quand on a joué avec Galilée. C'est un peu loin, deux chanteurs guitaristes acoustiques. Il y a une influence que nous, mais plus folk. Ouais. Ouais. D'accord, très bien. Petit groupe, ils sont de je sais pas où. Ça y est, ça vient. Oui, c'est vrai que des fois on pose des questions comme ça. De toute façon, on est ensemble pour pas mal de temps, donc s'il y a des choses qui vous reviennent pas sur le coup, on a le temps de rechercher des fois des noms sur internet, etc. L'important c'est qu'on parle un petit peu, et puis si des idées vous reviennent, on peut toujours revenir à des questions qu'on a déjà posées. Il y a pas de souci. Quels sont on va arriver là où on connaît un petit peu le groupe, on connaît un petit peu vos influences et tout ça. On va parler un petit peu des projets. Est-ce que vous avez des concerts déjà qui sont prévus dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, dans les prochains mois? Dans 15 jours, on joue à Surrey-au-Bois, à la Cour des Grands. C'est d'accord. Un bar. Mmh. Donc le samedi soir, samedi 13, c'est ça, avril. Mmh. Après, on a quoi? On va vous dire ça. Normalement, on a tout noté. Ah, vous avez tout noté. Très bien, vous avez tout préparé quand même. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Je me souviens du 14 juillet. Il y a le 14 juillet, c'est à... C'est à la Guinguette du Domino à Svèvre, oui. En Loir-et-Cher. Mm-hmm. On a déjà joué l'année dernière. Il y avait un truc à l'Estu, mais c'était annulé. On fait le Winston aussi à Gien. Et voilà, le Winston à Gien, ça c'est prochainement. Ouais. C'est quand ça? Je sais pas. Alors, à Gien, c'est le jeudi soir, toujours. Oui, c'est le mois d'avril, faire l'avant-dernière semaine, je crois. Oui. On va essayer de retrouver la date avant d'y aller. Bah, ce qu'on va faire, à la limite, vous cherchez un peu vos trucs, puis après je vous repose la question, et puis parce que là je vous ai pris aussi un petit peu au dépourvu, parce que finalement c'est moi qui dirige un petit peu l'émission, mais donc je vous vois fouiller dans vos téléphones, à moins que vous le trouviez rapidement. Ouais, là c'est bon. Ça y est, c'est bon. Bon, voilà, impeccable. Et donc c'est le jeudi 25 avril, Winston, d'accord. C'est sur les quais de Loire. Ouais. Mm-hmm. Et après, c'est le 14 juillet. Le 14. Il y a eu un concert qui est annulé. Très bien. Vous avez fait beaucoup de concerts dernièrement ou... L'année dernière, on a beaucoup tourné. Ouais. Mm-hmm. Très Très bien. Et le... À la sortie du Covid. Ah ouais, sortie du Covid. Ça y est, maintenant. Parce que pendant le Covid, je pense que vous étiez comme tous les groupes, ben, vous avez plus répété, etc. Il y en a qui en profitent pour enregistrer, donc c'était vraiment un peu compliqué pour les concerts. Là, donc, dès qu'on est sorti du Covid, vous en avez profité pour essayer d'aller voir le public, justement. La chose la plus importante pour un groupe de live, c'est de rencontrer le public. C'est ce qui vous plaît le plus, non? Ah oui, oui. Voilà, bien sûr. C'est ce qui vous motive. Donc, beaucoup de concerts, vous en faites combien à peu près par an? Une dizaine. Oui. Ouais. Très bien, bah, ça fait à peu près un par mois, quoi. Donc, ouais. Sans compter les vacances. Des fois, trop lourd de suite, ça arrive. Je ne fais pas ça toutes les semaines, mais des fois, ça arrive. Oui, et puis, il y a des périodes où, par exemple, en hiver, vous en faites peut-être un peu moins, et un peu plus au printemps ou en été, juste comme ça. Bon, ouais. Je pense que c'est un peu comme tous les groupes, hein, suivant les demandes. C'est ça. Il y a le chemin en septembre qui est toujours, c'est toujours blindé. Ouais. Il y a souvent beaucoup de dates. Ouais. Très bien. Ce que je propose, c'est qu'on écoute un petit peu de musique et pendant ce temps-là, vous allez vous préparer parce que je vois que vous avez envie d'interpréter des morceaux en live. Vous pouvez nous en interpréter combien ce soir? Oh bah, comme, autant que vous voulez. Illimité. Alors, je précise. On peut tenir 3 heures, mais. Très bien. Donc 3 heures, bon. Ça nous ferait dépasser. Oui. Mais, alors aujourd'hui l'émission, je raconte pour les gens qui n'ont pas connu l'émission depuis le début, mais l'émission Mavrica avant elle commençait à 20h30 et elle finissait quand on avait envie de finir. Donc l'émission la plus longue a fini à 4h du matin et on recevait justement un groupe de reprises aussi qui s'appelle les Classic Vibes, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui nous avait refait au moins une quarantaine de reprises. Donc nous c'était un bonheur pour nous de les voir parce qu'ils nous avaient repris donc une quarantaine de morceaux. Donc nous on a assisté à un petit concert et puis c'était diffusé à la radio, donc ça, c'était vraiment un plaisir. Alors aujourd'hui on commence un peu plus tôt mais on finit aussi un peu plus tôt, donc à 22h il faut qu'on rende les clés. Et justement, voilà, c'est comme ça. Mais bon, on va avoir le temps quand même de vous laisser l'antenne pour interpréter pas mal de vos morceaux. Alors, ce que je propose, c'est qu'on écoute un petit peu de musique, le temps de se préparer pour les lives. Alors, on va écouter, tout à l'heure, on a écouté les She-Dogs avec Let's Go to Moscow. Et on a parlé déjà à plusieurs reprises dans l'émission Mavrica. Il s'agit du groupe Elixir. On va écouter donc un morceau de Elixir qui s'appelle Don't Let Down. Et ensuite, on écoute Last Rider avec Noé Out et on se retrouve dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Chapardville. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica. We'll swine. I just admit, hey, you make love so fine. No use in crying out tears on the day. Trois morceaux à la suite. On a écouté d'abord le groupe Elixir avec Don't Let Down. On a poursuivi avec Last Rider avec No Way Out. Et à l'instant, c'était les Uncle Biker qui étaient avec nous il y a quelques semaines. On avait passé une bonne soirée avec eux. Comme d'habitude, ils reviennent quand ils veulent, il n'y a pas aucun souci. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Love Is So Blind. Et ce soir, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous avons un groupe qui est prêt à interpréter un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Ben voilà, on va leur donner la parole, on va leur donner l'antenne. Ils vont pouvoir interpréter plusieurs morceaux à la suite s'ils le veulent. Il s'agit du groupe Chaparville. Vous êtes dans l'édition numéro 580. De Mavrika. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans les studios, on va baisser un petit peu la musique de fond et on va donc les retrouver pour une première interprétation en direct live. Ça va, vous êtes prêts? Yes. Ils sont prêts. Donc le premier morceau que vous allez interpréter, il s'appelle comment? Cherry Bomb. Cherry Bomb. Bomb, c'est un morceau des Runaways. D'accord, très bien. Donc c'est un premier morceau que vous allez interpréter, vous allez en interpréter combien à la suite? Allez, allez, trois. Allez, soyons fous. Trois à la suite, et puis après. Une quinzaine de morceaux. Donc on est ensemble jusqu'à jusqu'à demain. Très bien. Voilà, donc je baisse la petite musique de fond, j'éteins mon micro et l'antenne est à vous. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel et c'est du direct live. Live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Chaparville. Donc le premier morceau à interpréter, ça va le son là, il passe assez bien, c'est clair. Hein, voilà, on fait avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire qu'on a des micros qui sont fixes, on est dans un petit studio et on fait des enregistrements comme à l'ancien temps, dans les années 50, 60. C'est comme ça qu'on enregistrait des disques. Aujourd'hui c'est des standards et aujourd'hui vous reprenez des grands standards de la musique ce soir dans l'émission Marika. Le groupe Chaparville. Deuxième morceau. Et on a aussi. Ouais. Oui, en acoustique, parce que... un morceau des Rolling Stones ? Ouais. Sway. Sway. Did you ever wake up to find day that broke up your mind, destroyed your notion of secular time. It got that demon love has got you in its way. It got that demon love has got you in its way. And flagging tears up on the dusty ground. Direct live, le groupe Chaparville. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous écouter comme ça. Moi, j'ai cette chance de pouvoir vous voir en plus. Donc, concert en direct à la radio. Donc, j'espère que les auditeurs apprécient ces moments comme ça. C'est vraiment, on doit être les derniers au monde à faire ce genre de trucs en direct live. Voilà, sans filet, avec des vrais musiciens. Il y a aucun effet. Il y a pas de tricherie. Il y a rien du tout. Il y a pas de vocodeur. Rien, quoi que ce soit. Hein. Donc, c'est vraiment le son direct, comme à l'ancienne. Et souvent, quand il y a des lives comme ça à la radio, alors souvent ils sont coupés déjà, vous remarquerez, ils sont jamais interprétés dans la version. Ouais, il y a toujours les pubs et tout ça. Dans l'émission Mavrica, on a le temps, donc on vous laisse interpréter les morceaux jusqu'à la dernière note. Et en plus, les morceaux sont vraiment en direct. C'est pas on enregistre et on diffuse après, 5 minutes après, parce que si jamais il y a un petit plantage, là c'est vraiment en direct. S'il y a un petit plantage, il y aura un petit plantage. Et puis c'est pas grave, ça fait partie du côté vivant, le côté live sur Radio Arc-en-Ciel. Le groupe Chaparville avec un troisième morceau. Un morceau de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Foxy Lady. Carrément. Très bien. En acoustique. Allons-y. C'est fou. Presque acoustique. Oui. Oui. Voilà, jusqu'à la dernière note. Bravo, le groupe Chaparville en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Quel bonheur de vous avoir ici dans les studios. Franchement, là, ça fait un peu une répétition finalement que vous faites dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, quoi. Voilà, au lieu de vous retrouver chez l'un ou chez l'autre, comment ça se passe? Vous vous retrouvez où pour les répétitions? Ah, chez toi, très bien. C'est moi. Donc ce soir, c'est dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. Ouais. Ouais. Donc en préparation des prochains concerts. Donc il y aura prochainement des concerts sur Orléans, par exemple, ou non, pas encore. On a déjà joué sur Orléans. La dernière fois qu'on a joué, c'était Dropkick, et puis après c'est tout. Ouais. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes sur Orléans, mais c'est vrai que bon, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de groupes sur Orléans, ouais. Et il y a très peu d'endroits finalement pour jouer. Hein. Il y a des endroits qui sont un peu réservés à certains, d'autres. Mmh. Et il y a heureusement, il y a ce bar qu'on vient de citer juste avant, Dropkick. Ouais. Voilà, c'est le bar rock de la région orléanaise où beaucoup de groupes peuvent aller jouer, quel que soit le niveau. Hein. D'ailleurs, il y a des professionnels, il y a des amateurs, et c'est toujours un plaisir d'aller là-bas pour retrouver justement découvrir la scène orléanaise. Et d'ailleurs, parce qu'il y a aussi il y a pas longtemps, moi j'ai été voir un groupe australien carrément, donc les Clover Earth, un super bon moment avec eux. Ils ont mis le feu, hein, franchement. Et donc c'est l'occasion de découvrir des groupes de la région et aussi des groupes qui sont en tournée comme ça dans toute l'Europe. Donc c'est bien de citer ces endroits-là. Très bien. Vous voulez interpréter encore un autre morceau? Vous êtes chaud là? Maintenant que vous êtes parti, c'est bon. J'ai un changement d'instrument prévu. Très bien. Ah, il y a un changement d'instrument. En fait, on a vu la version acoustique. On a d'accord. Différents instruments. Ouais, vous avez amené pas mal d'instruments et vous êtes installé donc tranquillement. Donc le petit changement se fait en direct. Je vais commenter pendant ce temps-là. Hein, on est en expédition légère. Là. Alors quand vous êtes en concert, vous avez les gros amplis, la sono et tout ça. Non, c'est vous. Très bien. Donc là, je vois. Ah, donc c'est deux guitares. Deux guitares dans le studio Radio Arc-en-Ciel avec le groupe Chaparville. Ouais, je vais l'allumer. Voilà. Très bien. Voilà, c'est bon. Hey Jack. On dirait. Ah. Oui. C'est chaud. Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, la radio comme on aime, la radio en direct avec des vrais musiciens. Et franchement, vous êtes à l'aise, vous jouez super bien. On voit qu'il y a de l'expérience, vous êtes un super groupe. C'est vraiment un plaisir de vous écouter en direct live. Trois excellents musiciens, le groupe Chaparville, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Déjà quatre morceaux en direct. On va peut-être faire une petite pause et puis après revenir pour écouter encore des morceaux. Très bien. Donc tout à l'heure on a découvert un peu le groupe, on peut rappeler certaines choses. Donc le groupe existe depuis 2018, c'est ça, hein. Donc 6 ans. Vous êtes rencontrés grâce à des annonces, voilà. Donc comme quoi ça marche aussi, hein, les annonces. De plus en plus, parce que c'est vrai que des fois pour rencontrer des gens, c'est pas toujours évident. Mais il y a aussi des groupes qui se sont formés comme ça et qui durent. Donc j'espère que le groupe durera encore de longues années. Et vous faites des reprises. Alors tous les morceaux sont en anglais ou il y a des morceaux français de temps en temps aussi? Non, c'est vrai qu'il y a... En anglais? Ouais, en anglais. C'est... Ouais, et puis en plus, tu chantes super bien en anglais, et l'accent, franchement, il est là, hein, on se comprend. Hein. Ah ouais, moi, en tout cas, moi, par rapport à mon niveau d'anglais, ouais, effectivement, des fois, je vois des groupes, ils ont un petit peu l'accent français, ce qui est bien aussi, une petite touche d'accent français, il paraît que c'est, pour les anglais, c'est sexy. Donc, mais quand l'accent est vrai, quand l'accent anglais est bien respecté, là, franchement, c'est un plaisir. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 22h. Encore des morceaux à écouter d'ici tout à l'heure en direct live. Déjà 4 morceaux en direct live. Et vous avez de quoi tenir 3 heures. Donc on est là jusqu'à un certain temps. Voilà. Très bien. On va écouter des petits morceaux pendant que vous faites une petite pause. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu, moi? Justement, j'ai prévu des choses, mais je les ai pas marquées. Donc, voilà. On va bientôt recevoir le chanteur Alex Lebaille. Il vient régulièrement dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Donc il sera là avec nous le 3 mai et je propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle Je me défends, et c'est notre ami Alex Lebaille. Tu pensais tout me prendre, m'anéantir, me tes mains encore en tremble, tu ferais mieux de fuir. Can never stop my way of life. Donc c'était le Way of Life, le titre de du morceau du groupe que nous venons d'écouter qui s'appelle Prisma, et c'est tiré de l'album qui a exactement le même nom, Way of Life. Voilà, j'ai tendance à dire live, donc c'est life, c'est la vie, hein, voilà, c'est important. Donc le groupe Prisma qui sera en concert le 13 avril, donc ça se passe à l'espace Loire à Cléry-Saint-André, et il y aura donc le groupe Prisma, il y aura le groupe Elixir qu'on a écouté tout à l'heure, et en tête d'affiche il y aura le groupe Sortilège, hein, un groupe qui a marqué son époque et qui revient dernièrement et qui envoie du bois. On avait envoyé un petit morceau lors du passage de Prisma et d'Elixir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc le groupe Sortilège sera là le 13 avril. Alors c'est le concert commence à 19h, parce que l'émission aussi commence à 19h, l'émission Maverick. Donc c'est à partir de 19h, et donc c'est à Cléry-Saint-André, trois groupes pour le Creek Fest numéro 3. Voilà, c'était important de le dire. Juste avant, on a écouté aussi Alex Lebaille qui était au Maverick Live numéro 12, c'était le 10 juin 2023, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Je me défends. Voilà. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce que nous avons ce soir des invités. On a déjà assisté à trois morceaux en live, et le groupe s'appelle Chaparville. Ils sont trois et ils nous interprètent des morceaux. Et donc ils ont prévu de nous en interpréter encore d'autres. Alors quels sont les morceaux que vous avez choisi de nous interpréter juste après ? Donc là on a une balade de Coldplay. De Coldplay. Trouble. Très bien, ah ouais, très belle chanson. L'antenne est à vous, allez-y quand vous voulez. Le groupe Chaparville. Oh, superbe interprétation en direct par le groupe Chaparville d'une reprise de Coldplay qui s'appelle Trouble. Donc vous avez changé le piano en guitare et ça sonne super bien en tout cas. Bravo à vous en tout cas pour cette superbe interprétation. Et on continue donc avec un morceau à la suite. Ouais. Bon. Un petit Nina Simone. Nina Simone, c'est ça. D'accord, très bien. Donc encore changement de d'instrument. Bon voilà, on est en direct live, hein, on fait ça comme à la maison. Hein, installez-vous devant vos haut-parleurs avec un petit verre à la main et écoutez, appréciez la soirée avec le groupe Chaparville sur Radio Arc-en-Ciel. Ain't got no friends, ain't got no nothing. Bravo, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Chaparville. Voilà, ça fait déjà la sixième interprétation. Qu'est-ce que ça passe vite, l'émission comme ça. Allez, non, on arrive bientôt. On a déjà attaqué la troisième heure et on est ensemble jusqu'à 22h. Et encore des lives. Je vais vous laisser l'antenne pour interpréter encore un morceau, si vous voulez, à la suite. Ouais. On attaque quoi? J'en perds mes mots, hein, voilà. C'est l'émotion. On attaque un petit Led Zepp, ouais. Un petit Led Zepp, carrément. Carrément. Allons-y. Allez, retournons dans les années 70. Ouais. C'est parti. Down by the seaside. No. Super, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Chaparville. Voilà, vraiment, franchement, on passe un bon moment. Dans quelle radio est-ce qu'on peut écouter encore des artistes comme ça en direct live? En plus, des artistes de qualité. On a les meilleurs artistes viennent dans l'émission Maverica. Et ce soir, c'est le groupe Chaparville. Voilà, donc ça fait déjà un bon petit paquet de... je suis en train de compter, ça fait déjà 6, 7, 7 morceaux. Encore un autre. Allons-y, soyons fous. Allez. Voilà, c'est toujours un plaisir d'écouter des artistes en direct. Alors quand vous avez en plus de la matière pour ce soir, ben allons-y, on va pas s'en priver. Pas électrique. Changement. Voilà, ils sont venus avec plusieurs instruments, donc il y a des basses, des guitares électriques, des guitares acoustiques, et donc ce soir le groupe Chaparville en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission numéro 589. Nell Young. Shuffling their feet, people sleeping in the shoes. Super, en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Chaparville avec, ça fait déjà deux séries de quatre interprétations, donc déjà huit morceaux interprétés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors, je mets au même temps le programme à jour, mais comme j'ai pas tous les titres et j'ai peur de faire des fautes, j'ai laissé en suspens, j'ai mis Chaparville, et après vous m'aiderez à compléter un petit peu avec les titres que vous avez interprétés. Donc là, à l'instant, c'est une reprise de Neil Young, un superbe morceau, et ça fait plaisir de réécouter ce morceau-là, parce que il y en a comme ça qui sont dans notre mémoire et qu'on n'écoute plus dans les radios, ce qui est un peu dommage, puisque heureusement que vous êtes là pour refaire vivre ces bons morceaux et puis nous les partager donc sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Ça fait vraiment plaisir d'écouter de très bons morceaux, par de très bons musiciens en tout cas. Bravo, je prends vraiment un très grand plaisir à vous écouter. Et j'espère que les artistes qui nous écoutent, parce que je regardais là, parmi les auditeurs, nous avons la chance d'avoir pratiquement tous les artistes de la région orléanaise. Et puis donc vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrica. Et puis je regardais déjà tout à l'heure, il y avait pas mal de gens qui nous avaient laissé des petits messages. On va essayer d'aller les voir en direct, mais si ça veut bien répondre. Voilà, donc là je suis en train de regarder les gens qui ont mis des petits cœur, un petit j'aime. Donc il y a Christophe qui nous a appelé tout à l'heure du groupe Elixir, Alexandre Lebaille qui nous écoute, Jack F du groupe Uncle Biker, Franck du groupe Chili Dogs, les Hervé du groupe Yeti, Antoine du groupe Red Daff, Pascal du groupe Uncle Biker, Bruno Bauer qui chante en solo et qui chante aussi avec d'autres formations. Tiens, Freddy Rouillet aussi qui a enregistré justement l'album de Dérapade que nous recevons très prochainement dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Ça sera le 19 avril, donc à mon retour de vacances, puisque la semaine prochaine et la semaine suivante il n'y aura pas d'émission, mais il y aura une autre donc le 19 avril avec le groupe Dérapade, Nicolas du groupe Melody Road, Jimmy Sugar qui est chanteuse aussi, Léo aussi du groupe Barricade et du duo voilà, ça va pas me revenir. Pourtant j'ai calé un morceau juste après. Chris et Léo, voilà, tout simplement, voilà, chercher le prénom. Drive to Amnesia, donc voilà, tous les artistes de la région nous écoutent, on est l'émission la plus écoutée par les artistes de la région orléanaise, voilà, c'est sur Radio Arc-en-Ciel le vendredi soir, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons le groupe Chaparville, voilà. C'est le premier passage, moi je découvre, c'est vrai qu'on se connaissait, je connaissais Olivier comme ça, il m'avait proposé le groupe, j'ai regardé un petit peu sur Internet, il n'y a pas énormément de choses sur vous, sur Internet, par contre vous êtes un groupe de live et ça se voit, et vous êtes un groupe qui joue sérieusement. Franchement, les morceaux sont super bien interprétés et c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Donc on va faire une petite coupure peut-être pour que vous vous reposiez un petit peu, et puis après on refait encore une petite série de live. D'accord. On fait comme ça. Okay. Très bien. Voilà, on est sur Radio Arc-en-Ciel et on est là pour découvrir les artistes de la région, et justement comme j'ai cité pas mal d'artistes, j'ai calé aussi quelques morceaux. Alors on va écouter par exemple le groupe Yeti avec un morceau, moi je sais pas pourquoi, ça c'est You Talk Too Much on My Radio, donc je pense que ça parle un petit peu de l'émission Mavrica, je pense, avec nos amis du groupe Yeti. Et juste après on écoutera encore un autre morceau, c'est un morceau du groupe Red Daff, voilà, je cherchais le nom, c'est Captain Watson. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica, on est ensemble jusqu'à 22h. Tell him what's all we show made of art style, and I know nothing else. To cut your spills, I don't know what I mean. You talk too much, they want to make a fair. What I control, but my mind's okay. My love is sick, cause I don't know where to hide. This is over my veins, seen on my skin, cause I spend too much time to hide. You talk too much, you are ready. Talk too much. You are radio. I feel dizzy cause my love sucks. I spread the war and wait for your anger to grow. I wish I could run your life if you get in my way. Kill you. Don't spend your time, don't spend your money. You get bullshit inside the peace of the lives. Gone by silence. in my skin. This is a blood offense. She's under my skin. I got a lot of scoop inside of me. I will go to Jesse Christ to Eve. My love is double head, cause I knew it too much. And my love is things they want to tell me about. This is a blood offense. She's under my skin. This is a fun offense. Stay under my jamais l'affaire. Je vous mettrai dans une tombe pour toutes vos pêches sans pierre. Sur tous les océans du globe, rappelez-vous de Paul Weston. Contact les bras de fer. Vous m'avez des caresses claires. Avec mon armée, mon radeau, je pars sauver les animaux. Si je fais un loisir. C'est la seule façon de faire pour arrêter tous ces idiots qui assassinent les cachalots. Le Canada, l'Espagne, le Japon et Cuba veulent tous me voir en prison. L'Allemagne ira jusque l'extradition. À toutes les instances et Interpol, rappelez-vous de Paul Watson.

589, hein, voilà, le temps passe très vite. Et donc, c'est l'émission qui est consacrée à Chaparville. Donc, à partir de maintenant, vous faites partie de la Maverica Somini. Donc, de toute façon, on a les contacts. Hein, vous revenez quand vous voulez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, surtout pour nous faire des émissions comme ça. Et dès qu'il y a de l'actualité, n'hésitez pas à nous contacter pour diffuser justement les annonces. Il y a un concert sur la région orléanaise ou des trucs comme ça. Hein, il faut surtout pas hésiter. Très bien, donc là j'ai vu que vous avez encore changé d'instrument parce que là donc il y avait il y a des guitares, il y a des basses, il y a des guitares électriques, des guitares acoustiques. Et on parlait de tout à l'heure hors antenne, on parlait de d'instruments. Bon, c'est vrai que c'est pas très radiophonique, mais parce qu'on voit pas, la qualité, on voit pas la beauté des instruments. Mais il y a des instruments que Olivier a fabriqués, donc le caron qu'on entend ce soir déjà. et la guitare électrique dont tu t'es servi pour les lives. Oui, oui. Oui, oui. Tu n'as pas le micro vraiment dirigé vers toi, donc on t'entend un petit peu de loin. Mais ouais. Ou sinon, essaie de diriger un peu le micro vers toi, comme ça on va parler un petit peu juste avant de. Voilà. Donc, y a une guitare que tu as portée. Tu en as fait plusieurs. Tu fabriques toi-même. C'est ça. Je me suis mis à fabriquer mes guitares parce que, comme je travaille un peu le bois déjà. Voilà, j'avais un plan de travail en chaîne chez moi, dans mon atelier que j'ai décidé d'utiliser pour essayer. Voilà, ça fait plaisir de jouer sur une guitare qu'on a fabriquée soi-même, en fait. Ah oui, oui, c'est vraiment le côté personnel, le côté. Voilà. Donc moi j'ai pu la voir, c'est une très belle guitare en chêne massif qui est cirée et huilée, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc on voit le grain du bois et tout ça. Et en plus quand on l'écoute, elle sonne super bien. Elle sonne super bien. Donc après il y a aussi il y a la guitare elle-même, donc la table d'harmonie, il y a le manche et il y a aussi l'électronique qui est dedans, les micros et tout ça. Tu as dû choisir quand même des micros qui. Oui, c'est le micro que j'avais sur ma Strat. C'est le micro, je sais pas si tu connais David Gilmour. Ah ouais. Le guitariste de Pink Floyd. Oui, c'est des micros inspirés par son montage à lui. Voilà. D'accord. Ouais. Donc David, si tu nous écoutes, eh ben tu vois, on pense merci à toi. À toi. Voilà, merci à toi en tout cas pour ces micros. Donc le guitariste de Pink Floyd, c'est pas rien non plus. Hein. Voilà, très bien. Donc on continue à vous écouter. Vous laisse l'antenne et vous allez interpréter encore allez quoi, 4 morceaux. Oui. On fait une petite série de 4. Ouais, 4, c'est bien. Ouais, hein. 4, c'est bien. Alors, quels sont les morceaux que vous allez interpréter maintenant? C'est une bonne question. The Round de Foo Fighters. Foo Fighters, oui. D'accord. Another Round. Ah oui, ok. Très bien, c'est parti. C'est à vous. bravo. Voilà, c'était le groupe Chaparville avec une reprise des Foo Fighters. Donc, un très bon moment encore. Et j'ai pas précisé, vous êtes multi-instrumentiste et Nathalie a changé d'instrument. Elle a troqué sa basse contre une, c'est une, mandoline. Une mandoline avec 8 cordes, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Il y en a 8, 1, 2, oui, c'est ça. Je suis en train de les compter. 4, 2. Très bien. Un petit peu de micro peut-être. Micro de ma voix. Voilà. Très bien. Donc, vous continuez à interpréter encore des morceaux. Vous avez choisi. Ouais. On a un morceau d'Eddie Vedder. Donc, ex Pearl Jam. Ah ouais, d'accord. Et donc, c'est un extrait de la bande-son du film Into the Wild. C'est No Ceiling. No Ceiling. D'accord. Allons-y. C'est à vous. Super, voilà, jusqu'à la dernière note dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Chaparville. Franchement, un grand plaisir de vous recevoir ici et puis d'écouter vos morceaux interprétés en direct live. On voit qu'il y a une bonne entente et les guitares, les mandolines, les basses, tout ça, et les caronnes sonnent super bien en tout cas. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc on continue, vous changez encore d'instrument et un changement d'instrument. Voilà, et... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après? Summer End. Ok, donc ils ont préparé toute une liste. Normalement, ils peuvent tenir 3 heures, mais malheureusement, l'émission ne va pas durer aussi longtemps. Mais ça sera justement l'occasion pour eux de revenir dans une prochaine édition de Mavrika. Voilà, donc guitare électrique, basse, configuration électrique. C'est vrai qu'elle sonne bien cette guitare. C'est ça, les moments magiques dans l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, le groupe Chaparville qui interprète des morceaux en direct live. Et voilà, il n'y a pas d'enregistrement. C'est, tous les morceaux de Chaparville sont interprétés en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est un vrai plaisir de les écouter. Encore un morceau ? On en a combien déjà ? Je suis un petit peu perdu au niveau du nombre. Mais ça n'a pas d'importance. Hein. Quand on aime, on compte pas. Make it with you. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Non, pas ça. Je retourne à l'acoustique. Donc voilà, rechangement d'instrument, on revient en acoustique, parce qu'il y a des morceaux qui se prêtent mieux avec tel ou tel instrument. Donc, un morceau de Queen of the Stone Age. Non, mais là, c'est l'électrique. Il hésite. Non, elles sonnent bien, ces guitares-là, quand même. Je sais que c'est pas visuel, hein, si tu veux faire des... Mais on est en direct live, on triche pas. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Sure, that's what I want to. Bravo. En direct live dans les studios Radio Arc-en-Ciel, le groupe Chaparville. Voilà, c'est vraiment en direct, ils sont en train d'interpréter des morceaux en live. Et on a envie que ça finisse jamais. Pourtant, on arrive à la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite coupure et puis on en garde un pour la fin. On fait comme ça. Ouais. On finit sur un de vos morceaux. Alors j'avais prévu d'autres morceaux. On n'aura pas le temps de diffuser tous les morceaux. À chaque fois, j'en prépare beaucoup plus que j'ai le temps d'en diffuser, mais ça sera pour une prochaine. Alors je voulais quand même annoncer que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission Mavrika. La semaine suivante, non plus, parce que je pars un petit peu en voyage, donc je serai en vacances. Et au retour, donc pour le 19 avril, le groupe Dérapade. Alors il était en enregistrement jusqu'à présent et puis donc ils ont un nouveau album à défendre. On a écouté un morceau tout à l'heure en début d'émission et le groupe Dérapade sera là pour nous le présenter, donc cet album tout chaud, tout neuf, le 19 avril. Le 26 avril, ça sera le groupe Jache dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça fait un petit moment, ils sont déjà venus à plusieurs reprises dans les studios, mais cette fois-ci ils reviennent après pas mal de d'années d'absence, on va dire ça comme ça. Le vendredi 3 mai, ça sera Alex Lebaille, donc qui sera avec nous. Alex qui vient régulièrement, hein, il vient une à deux fois par an. Et c'est toujours un plaisir de passer des soirs avec lui parce que c'est quelqu'un qui est adorable et qui a beaucoup de talent. Donc on le retrouvera le 3 mai. Le 10 mai, voilà, c'est acté. Tout à l'heure, je ne l'ai pas encore annoncé. Mais pendant l'émission, on a eu le résultat. Donc Elsia sera avec nous. Elle a sorti un nouveau single et ça sera l'occasion de découvrir la suite des aventures de Elsia. Et on a écouté en début d'émission son nouveau single qui s'appelle « De cœur à cœur ». Le vendredi 17 mai, ça sera le groupe Lajari. Alors le groupe Lajari, ça sera la tête d'affiche du Rock in Rebrèche. Ça va se passer le 25 mai, il me semble. En tout cas, le week-end du 25 mai. Hein. Et le 24, donc c'est un vendredi. C'est bien ça. Et donc ils peuvent pas venir le vendredi parce qu'il y a un autre groupe qui était déjà prévu. Mais ils viendront donc la semaine d'avant, le 17 mai, le groupe Lajari dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Parce que le 24 mai, il y avait déjà prévu le groupe BRS Band. Voilà, encore un groupe qu'on va découvrir dans l'émission Mavrika. Voilà pour donc les prochaines semaines. Ce soir, nous avons passé un très bon moment avec le groupe Chaparville. Bravo à vous en tout cas, et continuez à nous faire de la bonne musique comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que vous reprenez des morceaux qui ne sont pas forcément les plus connus de chaque artiste. Parce que bon, vous citez pas mal d'artistes, on pense tout de suite à des morceaux, et c'est pas forcément ceux que vous avez été chercher. Vous avez des morceaux vraiment que vous aimez mettre plus en valeur, justement, peut-être. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de découvrir ces morceaux qu'on connaît pas forcément. Et puis, super moment interprété. Bravo à vous. Donc, vous faites partie de la Mavrika's Family. Vous avez pas eu le temps d'interpréter tous les morceaux que vous vouliez. Donc, je vous invite à revenir très prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour repasser un moment avec nous sur les ondes du 96.2 MHz radioarc-en-ciel.fr. Voilà. Plaisir. Voilà. À la fin de chaque émission, on a l'habitude aussi de dire des phrases magiques, donc on va les dire. Et après, je vais vous laisser interpréter un dernier morceau. Alors, c'est que le rock and roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur, et everything is gonna be alright. Voilà, un message d'espoir. Si vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs, allez-y, ne vous gênez pas, vous êtes à la radio, et la radio c'est fait aussi pour ça. Quelque chose de particulier? Tout à fait d'accord avec les phrases magiques, déjà. Voilà. Oui, je crois que... Let's a good time roll. Ouais, très bien, on peut en rajouter. Hein. Régulièrement. Extrait d'un morceau qu'on joue aussi. Très bien. Et puis moi, ce que je conseille aussi à tous les éditeurs, c'est bien d'écouter la radio, c'est bien d'écouter la musique enregistrée, mais aller voir les artistes, ouais, en live, ça c'est encore une autre dimension. Donc là, vous avez des sonos professionnels, vous avez du monde, vous avez le volume et vous avez les gens devant vous, hein, donc vous avez le bruit, les odeurs, tout ça quoi. Le côté vivant, le côté live, donc qu'il faut aller voir, il faut sortir, aller au concert, ça c'est important. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'après le Covid, on a un petit peu de mal à repartir un petit peu au niveau des concerts. Mais bon, ça va se refaire, hein, vous inquiétez pas. Et de toute façon, c'est pas en restant à la maison qu'on va encourager les artistes. Pour les encourager, il faut aller les voir en live. Voilà. Très bien. Donc, autre chose à rajouter? Voilà. Non, vraiment un grand merci pour l'accueil. Voilà. Bon, on va rendre l'antenne de toute façon derrière. Eh ben, on se retrouve parce qu'on a des photos c'est à faire. Parce que ça, c'est important. Les photos du groupe de la semaine dernière, c'est le groupe Sonic Lag qui était avec nous. Et on a passé 3h30 avec eux parce qu'on est resté encore derrière. Et on a pris des photos et tout ça. Et les photos ont été partagées. Donc, je vous encourage à aller les voir. Alors, si vous voulez regarder les photos, c'est simple. Vous allez sur le Facebook de l'émission Maverica. Vous cherchez photos. Vous cherchez albums. Et vous avez un album pour chaque émission. Donc, c'est très simple. Vous avez la fiche de l'émission. Et vous avez à chaque fois une série de photos. Donc, avec tous les artistes qu'on a reçus. Et donc, ça fait du bien aussi, des fois, de se replonger quelques années en arrière parce que effectivement, l'émission existe déjà depuis pas mal d'années, et donc c'est toujours un plaisir de revoir les artistes. Et puis ces émissions, vous pouvez aussi les écouter grâce à notre ami Florent qui a un groupe sur Facebook qui s'appelle le groupe de podcast, il me semble que c'est comme ça. Je vais essayer de retrouver ça parce que j'ai partagé aussi sur le Facebook de l'émission Maverica. Vous retrouvez tout sur la page du Facebook de l'émission Maverica. Donc je regarde ça très rapidement. Donc c'est groupe de podcast de la radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz. Vous retrouvez les podcasts de toutes les émissions qui sont faites en direct dans les studios Radio Arc-en-Ciel, dont l'émission Maverica. Donc c'est là qu'il faut aller voir. Et j'ai partagé aussi justement le lien du podcast de l'émission de la semaine dernière. Voilà. Donc je pense que j'ai rien oublié. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end. Pascal, on va dire comme ça. Pascal, une bonne semaine et rendez-vous dans 15 jours puisque la semaine prochaine et la suivante je serai pas ici. Mais rendez-vous dans 15 jours pour une émission à même endroit, même heure, 19h, 22h sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, je vous laisse en compagnie de Chaparville qui vont nous interpréter un morceau, voire deux, comme vous voulez. Hein. On peut dépasser un petit peu. Si vous êtes chaud, on enchaîne deux à la suite. D'accord. C'est parti. Allons-y, c'est parti. C'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime.